par le vent. Sans destination commune, mes pensées s'écrasent tel un météore sur la lune. Sans but ni ambition, j'ai besoin de repères, je respire le mauvais air. J'ai coupé le fil qui me lie à la réalité. Qui sera? Où je serai demain? Où est mon destin? Dites-le moi. Qui sera? Est-ce une peine perdue? Mettre dans la rue? Je ne sais pas. Sa nourriture en permanence, gros pied de préférence. J'inspire la méfiance. Que se passe-t-il dans ma tête? L'inconscience fait de moi cet être abject. Brisant les lois, je survis. Je m'impose sans respect au autrui. Où je serai demain? Où est mon destin? Dites-le moi. Qui sera? Est-ce une peine perdue? Mettre dans la rue? Je ne sais pas. Qui sera? Où je serai demain? Où est mon destin? Dites-le moi. Qui sera? Une peine perdue, naître dans la rue, je ne sais pas. Comme un chien errant, mon esprit vivote. Emporté par le vent, sans destination commune, mes pensées s'écrasent tel un météore sur la lune. Sans but ni ambition, j'ai besoin de repères, je respire le mauvais air. J'ai coupé le fil qui me lie à la réalité. Qui sera? Où je serai demain? Où est mon destin? Dites-le moi. Qui sera? Est-ce une peine perdue? Mettre dans la rue? Je ne sais pas. Qui sera? Où je serai demain? Où est mon destin? Dites-le moi. Qui sera? Est-ce une peine perdue? Mettre dans la rue? Je ne sais pas.